Section 6 de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 41 à 58. Chapitre 41 : La Grande Grèce. Sur les côtes de l'Italie, les Athéniens, les Achéens, les Lacédémoniens, à différentes époques, avaient fondé plusieurs colonies, et c'est ce qu'on appelait la Grande Grèce. Entre ces cités, Sybaris, Crotone, Tarente, devinrent bientôt célèbres par leurs dissensions politiques, leurs mauvaises mœurs et leurs lumières. De même que les peuples dont elles tiraient leur origine, elles chérissaient la liberté qu'elles ne savaient retenir. Tour à tour républiques ou soumises à des tyrans, elles passaient, par un cercle de révolution continuelle, de la licence la plus effrénée au plus honteux esclavage. Vers le temps de la révolution des Pisistratides à Athènes, Pythagore de Samos, après de longs voyages, s'était enfin fixé à Crotone. Ce philosophe, un des plus beaux génies de l'Antiquité et le fondateur de la secte qui porte son nom, avait puisé ses lumières parmi les prêtres de l'Égypte, de la Perse et des Indes. Ses notions de la divinité étaient sublimes. Il regardait Dieu comme une unité, d'où le sujet qu'il employa pour création s'était écoulé. De son action sur ce sujet sortit ensuite l'univers. De ceci il résultait que tout émanant de Dieu, tout en formait nécessairement partie, et cette doctrine tombait ainsi dans les absurdités du spinozisme, avec cette différence que Pythagore admettait le principe comme esprit, Spinoza comme matière. Le dogme de la transmigration des âmes que le sage Samien emprunta des brachmanes et des gymnosophistes de l'Orient est trop connu pour m'y arrêter. Quelque absurde qu'il nous paraisse cependant, puisqu'il est impossible de concevoir comment la mémoire, qui n'est qu'une image déposée par les sens, pût appartenir à l'esprit dégagé des premiers, on ne saurait pas plus nier ce système que mille autres. Outre que la métempsycose réelle des corps le favorise, il donne en même temps la solution des difficultés concernant une autre vie. L'univers n'étant plus qu'un grand tout éternel, ne s'anéantit ni ne se crée. Ainsi, la doctrine de Pythagore formait un cercle ramenant de nécessité au même point. Car, des principes de la transmigration, on se retrouvait à l'idée primitive que ce philosophe avait du « ou ce qui est ». Si Pythagore s'était contenté de sonder l'abîme de la tombe, il aurait peu mérité la reconnaissance des hommes. Mais il s'occupa d'autres études plus utiles à la société. Son système de la nature était celui des harmonies, développé de nos jours par Bernardin de Saint-Pierre, qui a revêtu du style le plus enchanteur la morale la plus pure. Le sage Samien, de même que l'ami de Jean-Jacques, représentait l'univers comme un grand corps, parfait dans sa symétrie, mû d'après des lois musicales et éternelles. Des nombres harmoniques, dont le plus parfait était le 4, selon Pythagore, et le 5, d'après Saint-Pierre, formait dans les choses une arithmétique mystérieuse d'où découlaient les secrets et les grâces de la nature. L'éther était plein de la mélodie des sphères roulantes et les dieux daignaient quelquefois se communiquer aux mortels dans leurs songes. Le sage de la Grande Grèce voulut joindre à la gloire du physicien la gloire plus dangereuse du législateur. Ainsi que celle de Bernardin, sa politique était douce et religieuse. Il ne recommandait pas tant la forme du gouvernement que la simplicité du cœur, sûr qu'une bonne constitution découle toujours des mœurs pures. Avec une barbe vénérable descendant à sa ceinture, une couronne d'or dans ses cheveux blancs, une longue robe de lin d'Égypte, le vieillard Pythagore, délivrant au son des instruments la plus aimable des morales aux peuples assemblés, offre un tout autre tableau que celui des législateurs de notre âge. Les succès du sage furent d'abord prodigieux. Une révolution générale s'opéra dans Crotone, mais, bientôt fatigués de leurs réformes, les citoyens, dont ils censuraient la vie, l'accusèrent de conspirer contre l'État, ou plutôt contre leurs vices. Ils brûlèrent vivants ses disciples dans leur collège, et le forcèrent lui-même à s'enfuir dans les bois, où il fit une fin malheureuse. Les savants doutent que Pythagore ait laissé quelques ouvrages. Je vais donner au lecteur les vers dorés qu'on lui attribue, ou du moins qui renferment sa doctrine. Ils sont au nombre de 72, voici les plus remarquables. Honore les dieux immortels, tels qu'ils sont établis ou ordonnés par la loi. Respecte le serment avec toutes sortes de religions. Il faut mourir, c'est le secret de ta destinée. La puissance habite auprès de la nécessité. Les gens de bien n'ont pas la plus grande part des souffrances. Les hommes raisonnent bien, les hommes raisonnent mal, n'admirent les uns ni ne méprisent les autres. Ne te laisse jamais éblouir. Fais au présent ce qui ne t'affligera pas au passé. Commence le jour par la prière. Tu connaîtras alors la constitution de Dieu et des hommes, la chaîne des êtres, ce qui les contient, ce qui les lie. Tu connaîtras, selon la justice, que l'univers est le même dans tous les lieux. Tu n'espéreras point alors ce qui n'est point, car tu sauras ce qui est. Tu sauras que nos maux sont volontaires, que nous ignorons que le bonheur soit près de nous, qu'un bien petit nombre sait se délivrer de ses peines, que nous roulons, au gré du sort, comme des cylindres mus par la discorde. Si l'on médite attentivement les vers dorés, l'on trouvera qu'ils renferment tous les principes des vérités morales, souvent enveloppés d'un voile de mystère qui leur prête un nouvel attrait. On trouve dans Bernardin de Saint-Pierre une multitude de pensées vraies, de réflexions attendrissantes, toujours revêtues du langage du cœur. La mort est un bien pour tous les hommes. Elle est la nuit de ce jour inquiet qu'on appelle la vie. Le meilleur des livres, qui ne prêche que l'égalité, l'amitié, l'humanité, la concorde, l'Évangile, a servi pendant des siècles de prétexte aux fureurs des Européens. Après cela, qui se flattera d'être utile aux hommes par un livre? Qui voudrait vivre s'il connaissait l'avenir? Un seul malheur prévu nous donne tant de vaines inquiétudes. La solitude est si nécessaire au bonheur dans le monde même qu'il me paraît impossible d'y goûter un plaisir durable de quelque sentiment que ce soit, ou de régler sa conduite sur quelque principe stable, si l'on ne se fait une solitude intérieure, d'où notre opinion sorte bien rarement, et où celle d'autrui n'entre jamais. Dans cette île, située sur la route des Indes, quel Européen voudrait vivre heureux, mais pauvre et ignoré? Les hommes ne veulent connaître que l'histoire des grands et des rois, qui ne sert à personne. Il n'y a jamais qu'un côté agréable à connaître dans la vie humaine. Semblable au globe sur lequel nous tournons, notre révolution rapide n'est que d'un jour, et une partie de ce jour ne peut recevoir la lumière que l'autre ne soit livrée aux ténèbres. La vie de l'homme, avec tous ses projets, s'élève comme une petite tour dont la mort est le couronnement. Il y a des maux si terribles et si peu mérités que l'espérance même du sage en est ébranlée. La patience et le courage de la vertu, c'est un instinct commun à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les plus déserts. Comme si des rochers étaient des remparts contre l'infortune et comme si le calme de la nature pouvait apaiser les troubles malheureux de l'âme. Chapitre 42, suite. Zaleucus, Carandas. Pythagore fut suivi de deux autres législateurs, Zaleucus et Carandas, qui brillèrent dans la Grande Grèce au moment de la gloire de la mère patrie. Carandas s'appliqua moins à la politique qu'à la réforme de la morale. Car telle mœurs, tel gouvernement. Voici ses principes. Frapper le calomniateur de verge. Livrer le méchant à son propre cœur dans une profonde solitude. Que quiconque se lie d'amitié avec lui soit puni. Que le novateur, proposant des changements dans les lois antiques, se présente la corde au cou afin d'être étranglé si son statut est rejeté. Zaleucus fondait sa législation sur le principe du théisme. Dieu excellent demande des âmes pures, charitables et aimant les hommes. Les lois somptuaires de ce philosophe montrent son peu de connaissance de l'humanité. Il crut bannir le luxe et dévoiler la corruption, en laissant aux gens de mauvaises mœurs l'usage exclusif des riches parures. Il ne vit pas qu'il n'en coûtait aux citoyens diffamés qu'un masque de plus, l'hypocrisie, pour paraître honnête homme. Ce n'était pas la peine de lui laisser ses vices et d'en faire de plus un comédien. Chapitre 43. Influence de la révolution d'Athènes sur la Grande Grèce. L'influence de la révolution de la Grèce sur ses colonies d'Italie fut considérable et dans un sens excellent. Crotone et Sybaris, au moment du renversement de la monarchie d'Athènes, étaient, de même que les colonies actuelles de la France, plongé dans les horreurs des guerres civiles et ravagé par des brigands. C'est une chose remarquable que les rameaux d'un État surpassent bientôt le tronc paternel en luxe et en beauté vicieuse. Des hommes laissés sur une côte déserte se croient tout à coup délivrés du frein des lois et, loin de l'œil du magistrat, s'abandonnent au désordre de la société sans avoir les vertus de la nature. La fertilité d'un sol nouveau les élève bientôt à la prospérité, et de ces deux causes combinées résulte ce mélange de richesses et de mauvaises mœurs qu'on trouve dans les colonies. Quoi qu'il en soit, la Révolution républicaine de France a précipité la destruction des îles de l'Amérique, tandis que l'établissement du gouvernement populaire à Athènes retarda au contraire celle des villes grecques d'Italie. Athènes, plaignant le sort de ces malheureuses cités, fit partir une nouvelle association de ses citoyens qui rétablit le calme et bâtit une ville à laquelle Carondas donna des lois. Mais ces réformes ne furent que passagères. La corruption avait jeté des racines trop profondes pour être désormais extirpée et la maladie du corps politique ne pouvait finir que par sa mort. Chapitre 44. La Sicile. À l'extrémité de la Grande Grèce se trouvait l'île de Sicile, où l'on comptait déjà plusieurs villes célèbres. Nous ne nous arrêterons qu'à Syracuse, qui occupe une place si considérable dans l'histoire des hommes. Archias, corinthien, avait jeté les fondements de cette colonie vers la 4e année de la 17e Olympiade. Depuis cette époque, jusqu'au beau jour de la liberté en Grèce, on ignore presque sa destinée. Si l'obscurité fait le bonheur, Syracuse fut heureuse. Il lui en coûta cher pour ses instants de calme. On ne jouit point impunément de la félicité. Ce n'est qu'une avance que la nature vous a faite sur la petite somme des joies humaines. On n'est heureux que par exception et par injustice. Si vous avez eu beaucoup de prospérité, d'autres ont dû beaucoup souffrir, parce que, la quantité des biens étant mesurée, il a fallu prendre sur eux pour vous donner. Mais tôt ou tard, vous serez tenu à rembourser à gros intérêts. Quiconque a été très fortuné doit s'attendre à de très grands revers. De ceci, les Syracusains sont un exemple. Depuis le moment de l'invasion de Xérès en Grèce, jamais peuple n'offrit un plus étonnant spectacle. Une révolution étrange et continuelle commença son cours et ne finit qu'à la prise de la métropole par les Romains. Ce fut chose commune que de voir les rois tomber du fait des grandeurs au plus bas degré de fortune. Monarques aujourd'hui, pédagogues demain. N'anticipons pas ce grand sujet. La forme du gouvernement en Sicile avait été républicaine jusque vers le temps de la chute des Pisistratides à Athènes. Les mœurs, la politique, la religion étaient celles de la mère patrie. Un historien nommé Antiochus, plusieurs sophistes, quelques poètes avaient déjà paru. Bientôt cette île célèbre devint le rendez-vous des beaux esprits de la Grèce. Ils y accoururent de toutes parts, alléchés par l'or des tyrans qui s'amusaient de leur bavardage politique et de leurs dissensions littéraires. Chapitre 45. Suite. Que la réaction du renversement de la monarchie en Grèce fut grande, prompte et durable sur la Sicile, c'est ce que nous avons déjà entrevu ailleurs. Syracuse, par le contre-coup de la chute d'Hippias, se vit attaquée des Carthaginois. Elle obtint la victoire en même temps qu'elle se forgea des chaînes. Les Syracusains, par reconnaissance, élevèrent Gélon, leur général, à la royauté. Ainsi, au gré de ses chances mères des vertus et des vices, de la réputation et de l'obscurité, du bonheur et de l'infortune, la même révolution qui donna la liberté à la Grèce produisit l'esclavage en Sicile. Un sujet plus aimable nous appelle. Il est doux de ramener ses yeux, fatigués du spectacle des vices, sur les scènes tranquilles de l'innocence. En traversant la mer Adriatique, nous allons chercher au bord de l'Ister les vertus que nous n'avons su trouver sur les rivages de l'Italie. On peut s'arrêter quelques instants avec une sorte d'intérêt dans une société corrompue, mais le cœur ne s'épanouit qu'au milieu des hommes justes. Chapitre 46. Les trois âges de la City et de la Suisse. Premier âge, la City heureuse et sauvage. Les heureux Scythes, que les Grecs appelaient barbares, habitaient ces régions septentrionales qui s'étendent à l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Asie. Un roi, ou plutôt un père, guidait la peuplade errante. Ses enfants le suivaient plutôt par amour que par devoir. N'ayant que leur simplicité pour justice, pour loi que leurs bonnes mœurs, ils trouvaient en lui un arbitre pendant la paix et un chef durant la guerre. Et qu'auraient gagné les monarques voisins à attaquer une nation qui méprisait l'or et la vie ? Darius fut assez insensé pour le faire. Il reçut de ses ennemis le symbole énergique, présage de sa ruine. Il les envoya défier au combat par une vaine forfanterie. « Viens attaquer les tombeaux de nos pères !» lui répondirent ces hommes pauvres et vertueux. C'eût été une digne proie pour un tyran. Libre comme l'oiseau de ces déserts, le Scythe, reposé à l'ombrage de la vallée, voyait se jouer autour de lui sa jeune famille et ses nombreux troupeaux. Le miel des rochers, le lait de ses chèvres, suffisaient aux nécessités de sa vie. L'amitié aux besoins de son cœur. Lorsque les collines prochaines avaient donné toutes leurs herbes à ses brebis, monté sur son chariot couvert de peau avec son épouse et ses enfants, il émigrait à travers les bois, au rivage de quelque fleuve ignoré, où la fraîcheur des gazons et la beauté des solitudes l'invitaient à se fixer de nouveau. Quelle félicité devait goûter ce peuple aimé du ciel ! À l'homme primitif s'en réservaient mille délices. Le dôme des forêts, le vallon écarté qui remplit l'âme de silence et de méditation, la mer se brisant au soir sur des grèves lointaines, les derniers rayons du soleil couchant sur la cime des rochers, tout est pour lui spectacle et jouissance. Ainsi je l'ai vu sous les érables de l'Érier, ce favori de la nature, qui sent beaucoup et pense peu, qui n'a d'autre raison que ses besoins et qui arrive au résultat de la philosophie, comme l'enfant entre les jeux et le sommeil. Assis insouciant, les jambes croisées à la porte de sa hutte, il laisse s'écouler ses jours sans les compter. L'arrivée des oiseaux passagers de l'automne qui s'abattent à l'entrée de la nuit sur le lac ne lui annonce point la fuite des années, et la chute des feuilles de la forêt ne l'avertit que du retour des frimas. Heureux jusqu'au fond de l'âme, on ne découvre point sur le front de l'Indien, comme sur le nôtre, une expression inquiète et agitée. Il porte seulement avec lui cette légère affection de mélancolie qui s'engendre de l'excès du bonheur et qui n'est peut-être que le pressentiment de son incertitude. Quelquefois, par cet instinct de tristesse particulier à son cœur, vous le surprendrez plongé dans la rêverie, les yeux attachés sur le courant d'une onde, sur une touffe de gazon agitée par le vent, ou sur les nuages qui volent, fugitifs, par-dessus sa tête, et qu'on a comparé quelque part aux illusions de la vie. Au sortir de ses absences de lui-même, je l'ai souvent observé jetant un regard attendri et reconnaissant vers le ciel, comme s'il eût cherché ce je ne sais quoi inconnu qui prend pitié du pauvre sauvage. Bon Scythe, que n'existâtes-vous de nos jours ? J'aurais été chercher parmi vous un abri contre la tempête. Loin des querelles insensées des hommes, ma vie se fût écoulée dans tout le calme de vos déserts, et mes cendres, peut-être honorées de vos larmes, eussent trouvé sous vos ombrages solitaires le paisible tombeau que leur refusera la terre de la patrie. Chapitre 47. Suite du premier âge. La Suisse pauvre et vertueuse. Le voyageur qui, pour la première fois, entre sur le territoire des Suisses, gravit péniblement quelques montées creuses et obscures. Tout à coup, au détour d'un bois, s'ouvre devant lui un vaste bassin illuminé par le soleil. Les cônes blancs des Alpes, couverts de neige, percent à l'horizon l'azur du ciel. Les fleuves et les torrents descendent de la cime des monts glacés. Des plantes saxatiles pendent, échevelées, du front des grands blocs de granit. Des chamois sautent une cataracte. De vieux êtres, sur la corniche d'une roche, se groupent dans les airs. Des capillaires lèchent les flancs d'un marbre éboulé, des forêts de pins s'élancent du fond des abîmes, et la cabane du Suisse agricole et guerrier se montre entre des zones dans la vallée. Lorsque les mœurs d'un peuple s'allient avec le paysage qu'il vivifie, alors nos jouissances redoublent. L'ancien laboureur de l'Helvétie, auprès de ses plantes alpines, d'autant plus robustes qu'elles sont plus battues des vents, végéta vigoureusement sur ces montagnes, toujours plus libre en proportion des efforts des tyrans pour courber sa tête. Adorer Dieu, défendre la patrie, cultiver son champ, chérir et l'épouse et les enfants que le ciel lui a donnés, telle était la profession religieuse et morale du Suisse. Ignorant le prix de l'or, de même que le Scythe, il ne connaissait que celui de l'indépendance. S'il paraissait quelquefois au milieu des cours, c'était dans le costume simple et naïf du villageois, avec toute la franchise de l'homme sans maître. « Et j'en ai vœu, dit Philippe de Comines, de ce village, Switz, un estant ambassadeur, avec autre, en bien humble habillement, et néanmoins, disait son avis comme les autres. » Les Scythes dans le monde ancien, les Suisses dans le monde moderne, attirèrent les yeux de leurs contemporains par la célébrité de leur innocence. Cependant, la diverse aptitude de leur vie dut introduire quelques différences dans leurs vertus. Les premiers, pasteurs, chérissaient la liberté pour elles, les seconds, cultivateurs, l'aimaient pour leur propriété. Cela touchait à la pureté primitive, ceux-ci étaient plus avancés d'un pas vers les vices civils. Les uns possédaient le contentement du sauvage, les autres y substituaient peu à peu des joies conventionnelles. Peut-être cette félicité qui se trouve sur les confins où la nature finit et où la société commence serait-elle la meilleure si elle était durable. Au-delà des barrières sociales, les peuples restent longtemps à la même distance de nos institutions, mais ils n'ont pas plutôt franchi la ligne de marque qu'ils sont entraînés vers la corruption sans pouvoir se retenir. C'est ainsi que, malgré soi, on s'arrête à contempler le tableau d'un peuple satisfait. Il semble qu'en s'occupant du bien-être des autres, on s'en approprie quelques petites parties. Nous vivons bien moins en nous que hors de nous. Nous nous attachons à tout ce qui nous environne. C'est à quoi il faut attribuer la passion que des misérables ont montrée pour des meubles, des arbres, des animaux. L'homme, avide de bonheur et souvent infortuné, lutte sans cesse contre les maux qui le submergent. Comme le matelot qui se noie, il tâche de saisir son voisin heureux pour se sauver avec lui. Si cette ressource lui manque, il s'accroche au souvenir même de ses plaisirs passés et s'en sert comme d'un débris avec lequel il surnage sur une mer de chagrin. Chapitre 48. Second âge. La City et la Suisse philosophique. J'eusse voulu m'arrêter ici, j'eusse désiré laisser au lecteur l'illusion entière. Mais, en retraçant la félicité des hommes, à peine a-t-on le temps de sourire que les yeux sont déjà pleins de larmes. Il n'est point d'asile contre le danger des opinions. Elles traversent les mers, pénètrent dans les déserts et remuent les nations d'un bout de la terre à l'autre. Celles de la Grèce républicaine parvinrent dans les forêts de la City. Elles en chassèrent le bonheur. L'innocence d'un peuple ressemble à la sensitive. On ne peut la toucher sans la flétrir. Le malheur des Scythes fut de donner naissance à des philosophes qui ignorèrent cette vérité. Zamoxis, à une époque inconnue, introduisit parmi eux un système de théologie dont les principes teneurs étaient l'existence d'un être suprême, l'immortalité de l'âme et la doctrine de la prédestination pour les héros moissonnés sur le champ de bataille. Ce père de la sagesse des Scythes fut suivi d'Abaris, député de sa nation à Athènes. Il pratiqua la médecine et prétendait voyager dans les airs sur une flèche qu'Apollon lui avait donnée. Il devint célèbre dans les premiers siècles de l'Église pour avoir été opposé à Jésus-Christ par les platonistes. Toxaris succéda en réputation à Abaris. Il abandonna sa femme et ses enfants pour aller étudier à Athènes où il mourut, honoré pour sa probité et ses vertus. Mais le corrupteur de la simplicité antique des Scythes fut le célèbre Anacharsis. Il s'imagina que ses compatriotes étaient barbares parce qu'ils vivaient selon la nature. Sa philosophie était de cette espèce qui ne voit rien au-delà du cercle de nos conventions. Enthousiaste de la Grèce, il déserta sa patrie et vint s'instruire auprès de Solon dans l'art de donner des lois à ceux qui n'en avaient pas besoin. Il ne tarda pas à s'acquérir le nom de sage qui convient si peu aux hommes et se fit connaître par ses maximes. Il disait que la vigne porte trois espèces de fruits. Le premier, le plaisir, le second, l'ivresse, le troisième, le remords. À un Athénien d'une réputation flétrie qui lui reprochait son extraction barbare, il répondit « Mon pays fait ma honte, vous faites la honte de votre pays ». L'orgueil et la bassesse de ce mot sont également intolérables. Celui qui peut être assez lâche pour renier sa patrie est indigne d'être écouté d'un honnête homme. Ce philosophe disait encore que les lois sont semblables aux toiles d'araignées qui ne prennent que les petites mouches et sont rompues par les grosses. Au reste, il écrivit en vers de l'art de la guerre et dressa un code des institutions scythiques. Les épîtres qui portent son nom sont controuvées, Ainsi, la philosophie fut le premier degré de la corruption des Scythes. Lorsque les Suisses étaient vertueux, ils ignoraient les lettres et les arts. Lorsqu'ils commencèrent à perdre leurs mœurs, les Haller, les Tissot, les Gessner, les Lavater parurent. Chapitre 49. Suite. Troisième âge. La Scythie et la Suisse corrompues. Influence de la Révolution grecque sur la première, de la Révolution française sur la seconde. Ainsi la Scythie vit naître dans son sein des hommes qui, se croyant meilleurs que le reste de leurs semblables, se mirent à moraliser aux dépens du bonheur de leurs compatriotes. La révolution républicaine de la Grèce, en déterminant le penchant de ces génies inquiets, agit puissamment par leur ressort sur la destinée des nations nomades. Enflés du vain savoir puisé dans les écoles d'Athènes, les Abaris, les Anacharsis, rapportèrent dans leur pays une foule d'opinions et d'institutions étrangères avec lesquelles ils corrompirent les coutumes nationales. Il n'est point de petits changements, même en bien, chez un peuple. Pour dénaturer tel sauvage, il suffit d'introduire chez eux la roue du potier. Anacharsis paya ses innovations de sa vie. Mais le levain qu'il avait jeté continua de fermenter après lui. Les Scythes, dégoûtés de leur innocence, burent le poison de la vie civile. Longtemps celle-ci paraît amère à l'homme libre des bois, mais l'habitude ne la lui a pas plutôt rendue supportable qu'elle se tourne pour lui en une passion enivrante. Le venin coule jusqu'à ses eaux. Un univers étrange peuplé de fantômes s'offre à sa tête troublée. Simplicité, justice, vérité, bonheur, tout disparaît. Le torrent des maux de la société ne se précipita pas chez les Scythes par une seule issue. Ces nations guerrières et pastorales trafiquaient de leur sang avec les puissances voisines, trop lâches ou trop faibles, pour défendre elles-mêmes leur territoire. Athènes entretenait une garde Scythe, de même que les rois de France se sont longtemps entourés de braves paysans de la Suisse. Ce fut le sort des anciens habitants du Danube et de ceux de l'Helvétie de se distinguer au temps de l'innocence par les mêmes qualités, la fidélité et la simplesse, et par les mêmes vices au jour de la corruption, l'amour du vin et la soif de l'or. Ces deux peuples combattirent à la solde des monarques pour des querelles autres que celles de la patrie. Neutres dans les grandes révolutions des États qui les environnaient, ils s'enrichirent de malheurs d'autrui et fondèrent une banque sur les calamités humaines. Soumis en tout à la même fatalité, ils durent la perte de leurs mœurs aux peuples, anciens et modernes, qui ont eu le plus de ressemblance, les Athéniens et les Français. À la fois objet de l'estime et des railleries de ces nations satiriques, le montagnard des Alpes et le pasteur de Lister apprirent à rougir de leur simplicité, dans Paris et dans Athènes. Bientôt, il ne resta plus rien de leur antique vertu brisée sur l'écueil des révolutions. La tradition, seule, s'en élève encore dans l'histoire, comme on aperçoit les mâts d'un vaisseau qui a fait naufrage. Chapitre 50. La Thrace, fragment d'Orphée. Lister divisait la Scythie de ces régions qui descendent en amphithéâtre jusqu'au rivage du Bosphore. Ce pays, connu sous le nom général de Thrace, et conquis dernièrement par Darius, fils d'Hystaspe, se partageait en plusieurs petits royaumes, les uns barbares, les autres civilisés. Plusieurs colonies grecques y avaient transporté les arts, et Miltiade l'avait longtemps honoré de sa présence. Nous savons peu de choses de ces premiers habitants, sinon qu'ils étaient cruels et guerriers. Un de leurs usages mérite cependant d'être rapporté. À la naissance d'un enfant, les parents s'assemblaient et versaient abondamment des larmes. Cet usage est aussi philosophique qu'il est touchant. Au reste, c'est à la Thrace que la Grèce doit le plus ancien et peut-être le meilleur de ses poètes. Ce que la fable ingénieuse a raconté de la douceur des chants d'Orphée est connu de tous les lecteurs. Sans doute, la magie des prodiges attribués à sa muse consistait en une vraie peinture de la nature. Ce poète vivait dans un siècle, à demi sauvage, au milieu des premiers défrichements des terres. Les regards étaient sans cesse frappés du grand spectacle des déserts où quelques arbres abattus, un bout de sillon mal formé à la lisière d'un bois, annonçaient les premiers efforts de l'industrie humaine. Ce mélange de l'antique nature et de l'agriculture naissante, d'un champ de blé nouveau au milieu d'une vieille forêt, d'une cabane couverte de chaume auprès de la hutte native d'écorce de bouleau, devait offrir à Orphée des images consonantes à la tendresse de son génie. et lorsqu'un amour malheureux eut prêté à sa voix les accents de la mélancolie, alors les chaînes s'attendrirent et l'enfer même parut touché. De plusieurs ouvrages qu'on attribue à ce poète, il n'y a que les fragments que je vais donner qui soient vraiment de lui. Les Argonautes n'en ont pas. Tout ce qui appartient à l'univers, l'arche hardie de l'immense voûte des cieux, la vaste étendue des flots indomptés, l'incommensurable océan, le profond Tartare, les fleuves et les fontaines, les immortels même, dieux et déesses, sont engendrés dans Jupiter. Jupiter tonnant est le commencement, le milieu et la fin. Jupiter immortel est mâle et femelle. Jupiter est la terre immense et le ciel étoilé. Jupiter est la dimension de tout corps, l'énergie du feu et la source de la mer. Jupiter est roi et l'ancêtre général de ce qui est. Il est un et tout, car tout est contenu dans l'être immense de Jupiter. Il serait difficile d'exprimer avec plus de grandeur un sujet plus sublime. Comme province de l'Empire des Perses, la Thrace eut sa part des malheurs que l'influence de la Révolution grecque causa au genre humain. Les troupes marchèrent à travers ses campagnes, et l'on peut juger des ravages que dut y commettre une armée de 3 millions d'hommes indisciplinés. Mais ces calamités ne furent que passagères, et les Thraces, abritées de leurs forêts et de leurs mœurs sauvages, échappèrent à l'action prolongée de la chute de la monarchie à Athènes. Chapitre 51. La Macédoine, la Prusse. Près de la Thrace se trouvait le petit royaume de Macédoine, dont la destinée apportait des ressemblances singulières avec la Prusse. D'abord, aussi obscur que la patrie des chevaliers teutoniques, il n'était connu des Grecs que par la protection qu'ils voulaient bien lui accorder. Peu à peu, agrandi par des conquêtes, sa considération augmenta dans la proportion de celle de l'électorat de Brandebourg. Enfin, sous Philippe, il devint maître de la Grèce et sous Alexandre de l'univers. On ne saurait conjecturer jusqu'à quel point de puissance la Prusse, en suivant son système actuel, peut atteindre. Le même génie semble avoir animé les souverains de ces deux États. La guerre, et surtout la politique, furent le trait qui les caractérisa. L'histoire nous peint les rois de Macédoine changeant de parti selon les temps et les circonstances, endormant leurs voisins par des traités et envahissant leur pays le moment d'après. Je parlerai ailleurs du monarque régnant lors de l'expédition de Xérès. À l'époque dont nous retraçons l'histoire, les mœurs, la religion, les usages des Macédoniens ressemblaient à ceux du reste des Grecs. Seulement plus reculés que ces derniers vers la barbarie et par conséquent moins près de la corruption, ils n'avaient produit aucun philosophe dont le nom mérite d'être rapporté. Que la chute d'Hippias à Athènes eut des conséquences sérieuses pour la Macédoine, c'est ce dont on ne saurait douter. Le politique Alexandre, profitant des calamités des temps, sut se ménager adroitement entre les Perses et les Grecs. Et tandis qu'ils se déchiraient mutuellement, ils recevaient l'or de Xérès et protestaient amitié à ses ennemis. Maintenant ainsi son pays tranquille, il l'enrichissait de la dépouille de tous les partis, et durant que ceux-ci s'épuisaient dans une guerre funeste, il jeta les fondements de la grandeur future d'Alexandre. Destinée incompréhensible, Xérès fuit à Salamine devant le génie de la liberté, et son or resté dans un petit coin de la Grèce va anéantir cette même liberté et renverser l'empire de Cyrus. Chapitre 52. Île de la Grèce, l'Ionie. Entre les côtes de l'Europe et de l'Asie se trouvent une multitude d'îles qui, au temps dont nous parlons, avaient reçu leurs habitants des différents peuples de la Grèce. Je n'entreprendrai point de les décrire, puisqu'elles forment elles-mêmes partie de l'Empire des Grecs, et sont conséquemment comprises dans ce que je dis de la révolution générale de ces derniers. Cependant, il est nécessaire de faire quelques remarques sur les différentes morales et politiques qui pouvaient se trouver entre ces insulaires et leurs compatriotes sur les deux continents d'Europe et d'Asie au moment de l'invasion des Perses. La Crète était la plus considérable, comme la plus renommée, de toutes ces îles. On sait que Lycurgue y avait calqué ses institutions sur celles de Minos. Mais les lois de ce monarque, par diverses causes de décadence, étaient tombées en désuétude. Une démocratie turbulente avait pris la place du gouvernement royal mixte, et les Crétois passaient, au temps de l'expédition de Xérès, pour le peuple le plus faux et le plus injuste de la Grèce. Ils refusèrent de secourir les Athéniens contre les Mèdes. Les autres îles, tour à tour soumises à de petits tyrans ou plongées dans la démocratie, flottaient dans un état perpétuel de trouble. Rhodes se distinguait par son commerce, Lesbos par sa corruption, Samos par ses richesses. Quelques-unes joignirent les Perses, d'autres furent subjuguées. Un petit nombre adhéra au parti de la liberté. Enfin, on peut regarder les insulaires de la Grèce comme tenant le milieu entre la vertu de Sparte et d'Athènes et les vices des villes ioniennes, formant la demi-teinte par où l'on passait des bonnes mœurs des lacédémoniens à la corruption des Grecs asiatiques. Quant à ces derniers, nous verrons bientôt comment ils devinrent les causes de la guerre médique. En ne les considérant ici que du côté moral, la vertu n'était plus parmi les peuples de l'Ionie. Voluptueux, riches, énervés par les délices du climat, on les eût pris pour ces esclaves que Xérès traînait à sa suite si leur langage n'avait décelé leur origine. Chapitre 53. Tyre, la Hollande. Ainsi, après avoir fait le tour de l'Europe, nous rentrons enfin en Asie. Avant de décrire les grandes scènes que la Perse va nous offrir, il ne nous reste plus qu'à dire un mot d'une puissance maritime qui, bien que soumise à l'empire de Cyrus, a joué un rôle trop fameux dans l'Antiquité pour ne pas mériter un article séparé dans cet ouvrage. En quittant les villes de l'Ionie et s'avançant le long des côtes de l'Asie mineure vers le nord, on trouve Tyr, cité célèbre dans tout l'Orient par son commerce et ses richesses. Ipsuranius, dans les siècles les plus reculés, avait jeté les fondements de cette capitale de la Phénicie. Elle se trouva déterminée vers le commerce par la même position qui y entraîne ordinairement les peuples, l'âpreté de son sol. Rarement les pays très favorisés de la nature ont eu le génie mercantile. Bientôt ce village, formé comme les premières cités de la Hollande, de méchantes huttes de pêcheurs couvertes de roseaux, devint une métropole superbe. Ses vaisseaux allaient lui chercher le produit cru des terres plus fécondes, et ses industrieux habitants le convertissaient par leurs manufactures aux voluptés ou aux nécessités de la vie. La Batavia des Phéniciens était la Bétique, d'où l'or coulait dans leurs états. Ils recevaient de l'Égypte le lin, le blé et les richesses de l'Inde et de l'Arabie. Les côtes occidentales de l'Europe leur fournissaient l'étain, le fer et le plomb. Ils achetaient au marché d'Athènes l'huile, le bois de construction et les balles de livres. À ceux de Corinthe, les vases, les ouvrages en bronze. Les îles de la mer Égée leur donnaient les vins et les fruits, la Sicile le fromage, la Phrygie les tapis, le pont Euxin les esclaves, le miel, la cire, les cuirs, la Thrace et la Macédoine les bois et le poisson sec. Ces marchands avides reportaient ensuite ces denrées chez les différents peuples, et Tyr, ainsi qu'Amsterdam, était devenu l'entrepôt général des nations. La constitution de Phénicie paraît avoir été monarchique. Mais il est probable que l'oligarchie dominait dans le gouvernement. La richesse des Tyriens, que les Écritures comparent aux princes de la terre, donne lieu à cette conjecture. Dans les contrées où les hommes s'occupent exclusivement du commerce, les belles lettres sont ordinairement négligées. L'esprit mercantile rétrécit l'âme. Le commis qui sait tenir un livre de compte ouvre rarement celui du philosophe. Cependant, la Phénicie fournit quelques noms célèbres. On y trouve Moscous et Sankoniathon. Le premier est l'auteur du système des atomes, qui, d'abord reçu par Pythagore, fut ensuite adopté et étendu par Épicure. Le second écrivit l'histoire de Phénicie, dont j'ai déjà cité plusieurs fragments, et de laquelle je vais extraire encore quelques nouveaux passages. Et alors, Ipsuranius habita à Tyr, et il inventa la manière de bâtir des huttes de roseaux. Et une grande inimitié s'éleva entre lui et son frère, Ouzoos, qui le premier avait couvert sa nudité de la peau des bêtes sauvages. Et une violente tempête de vent et de pluie, ayant frotté les branches les unes contre les autres, elles s'enflammèrent, et la forêt fut consumée à Tyr. Et Ouzoos, prenant un arbre, après en avoir rompu les branches, fut le premier assez hardi pour s'aventurer sur les flots. Ils engendrèrent Agrus, un champ, et Agrotès, laboureur. La statue de celui-ci était particulièrement honorée. Une ou plusieurs couples de bœufs promenaient son temple par toute la Phénicie, et il est nommé dans les livres le plus grand des dieux. Indépendamment des origines curieuses de la navigation et de l'agriculture que l'on trouve dans ce passage, la simplicité antique du récit, si bien en harmonie avec les mœurs qu'il rappelle, a quelque chose d'aimable. La Hollande se glorifie d'avoir produit Erasme, Grotius et une foule de savants connus par leurs recherches laborieuses. Chapitre 54, suite. La Phénicie avait éprouvé de grandes révolutions. De même que la Hollande, elle eut à soutenir des guerres mémorables, et les différents sièges de sa capitale reportent à la mémoire ceux de Harlem et d'Anvers au temps de Philippe II. Vers le milieu du VIe siècle avant notre ère, Tyr, après une résistance de 13 années, fut prise et détruite de fond en comble par un roi d'Assyrie. Les habitants échappés à la ruine de leur patrie bâtirent une nouvelle Tyr sur une île, non loin du continent où la première avait fleuri. Cette cité passa tour à tour sous le joug des Mèdes et des Perses, et resta débile et obscure jusqu'au temps de Darius qui la rétablit dans ses anciens privilèges. Ce fut durant cette époque de calamité que Carthage s'était élevée sur ses débris. À l'époque de la guerre médique, la Phénicie fut contrainte par ses maîtres à entrer dans la Ligue Générale contre la Grèce. Sans opinion à elle, elle prêta ses vaisseaux au grand roi, comme elle les aurait joints aux républiques, si celles-ci eussent été d'abord les plus fortes. Vaincue à la bataille de Salamine, le commerce ferma bientôt cette plaie, et l'influence immédiate de la révolution grecque se borna pour les Tyriens à ce malheur passager, quoiqu'elle s'étendît sur eux par la suite, et que Tyr tomba comme le reste de l'Orient devant Alexandre. Les froids négociants continuèrent à importer et exporter de pays en pays le superflu des nations sans s'embarrasser des 20 systèmes qui tourmentaient ces peuples. Tout leur génie était dans leurs balles d'étoffe et on les voyait, comme les Bataves, colporter les livres des beaux esprits des temps sans en avoir jamais ouvert un seul. Peut-être aussi l'habitant de Tyr trafiquait-il de ses principes politiques. Car, dans les temps de révolution, les opinions sont les seules marchandises dont on trouve la défaite. Chapitre 55. La Perse. Nous montons enfin sur le grand théâtre. Après avoir considéré en détail les États par rapport à l'établissement des républiques en Grèce et réciproquement cet établissement par rapport à ces divers États, nous allons maintenant contempler tous ces peuples se mouvant en masse sous l'influence générale de cette même révolution, et ne faisant plus qu'un seul corps. Nous allons les voir se lever ensemble pour renverser des principes et un gouvernement qu'ils ne feront que consolider, et les efforts de ces alliés viendront, mal dirigés, tièdes et partiels, se perdre contre une communauté peu nombreuse mais unie, peu riche mais libre. Je passe sous silence les Éthiopiens, les Juifs, les Chaldéens, les Indiens. Quoiqu'à l'époque de la Révolution grecque, ils eussent déjà fait des progrès considérables dans les sciences. La somme de leur philosophie et de leur lumière se réduisait généralement à la foi dans un être suprême, à la connaissance des astres et des secrets de la nature. Ils étaient, comme le reste du monde oriental, gouvernés par des rois et des sectes de prêtres qui, de même que leurs frères d'Égypte, se conduisaient d'après le système de mystère afin de dompter les peuples par l'ignorance, au joug de la tyrannie civile et religieuse. En Éthiopie, les membres de cette caste sacrée portaient le nom de gymnosophistes, en Judée celui de lévite, dans la Chaldée celui de prêtre, en Arabie celui de zabiyen, aux Indes celui de brahman. Chaque pays comptait aussi ses grands hommes. Les Éthiopiens reconnaissaient Atlas, les Arabes Lokman, les Juifs Moïse, les Chaldéens Zoroastre, l'Inde Bouddha. Les uns avaient écrit de la nature, les autres de l'histoire, plusieurs de la morale. De tous ces ouvrages, les fables de Lokman et l'histoire de Moïse sont les seuls qui nous soient parvenus. Les livres qu'on attribue à Zoroastre ne sont pas originaux. La plupart de ces différentes contrées étant ou soumises à la cour de Suse ou ignorées des Grecs, il serait inutile de nous y arrêter. Revenons aux vastes états de Cyrus. L'empire des Perses et des Mèdes, au moment de la chute d'Hippias, s'étendait depuis le fleuve Indus à l'est jusqu'à la Méditerranée à l'occident, et depuis les frontières de l'Éthiopie et de Carthage au midi jusqu'à celles des Scythes au nord. Comprenant un espace de 40 degrés en latitude et de plus de 16 en longitude, formé par degrés des débris de plusieurs états, peu d'années s'étaient écoulées depuis que cet énorme colosse pesait sur la terre. L'empire des Assyriens, qui en composait d'abord la plus grande partie, fut conquis par les Mèdes vers le VIe siècle avant notre ère. le célèbre Cyrus, ayant réuni sur sa tête les couronnes de Perse et de Médie, renversa le trône de Lydie qui florissait sous Crésus dans l'Asie mineure vers le règne de Pisistrate à Athènes. Cambyse, successeur de Cyrus, ajouta l'Égypte à ses possessions et Darius, fils d'Hystaspe, sous lequel commence la guerre mémorable des Perses et des Grecs, réunit à ses immenses domaines quelques régions de la Thrace et des Indes. Chapitre 56. Tableau de la Perse au moment de l'abolition de la monarchie en Grèce. Gouvernement, finances, armée, religion. Principem da Deus. Maxime qui conduisit Charles Ier à l'échafaud formait tout le droit politique de la Perse. De là, nous pouvons concevoir le gouvernement. Cependant, l'autorité du grand roi n'était pas aussi absolue que celle des sultans de Constantinople de nos jours. Il la partageait avec un conseil qui composait une partie du souverain. Au civil, les lois étaient pures et la justice scrupuleusement administrée par des juges tirés de la classe des vieillards. Dans les cas graves, la cause était portée devant le roi. Aux criminels, la procédure se faisait publiquement. On confrontait l'accusateur à l'accusé, et celui-ci obtenait tous les moyens de défense qu'il pouvait croire favorables à son innocence ou à l'excuse de son crime. Cette admirable coutume que nous retrouvons en Angleterre était remplacée en France par l'exécrable loi des interrogations secrètes. Au moment de l'abolition de la monarchie en Grèce, la société avait peut-être plus fait de progrès en Perse vers la civilisation qu'en aucune autre partie du globe. Un cours régulier d'administration mouvait en harmonie tous les ressorts de l'Empire, les provinces se gouvernaient par des satrapes ou commandants délégués de la couronne. Les armées et les finances étaient réduites en système, et ce qui n'existait alors chez aucun peuple, des postes, établis par Cyrus sur le principe de celle des nations modernes, liaient les membres épars de ce vaste corps. Cet institut, après la découverte de l'imprimerie, tient le second rang parmi les inventions qui ont changé pour ainsi dire la race humaine. Et il n'entre pas pour peu dans les causes de l'influence rapide que la révolution grecque eut sur les Perses. Il ne faudrait que l'usage des courriers employés aux relations communes de la vie pour renverser tous les trônes d'Orient d'aujourd'hui. Chez les Mèdes, ils étaient réservés aux affaires d'État. Les Perses différaient en religion du reste de la terre alors connue. Ils adoraient l'astre dont la flamme productive semble l'âme de l'univers. Ils n'avaient ni les solennités de la Grèce, ni des monuments élevés à leur dieu. Le désert était leur temple, une montagne leur autel. Et la pompe de leur sacrifice, le soleil levant, suspendu aux portes de l'Est, et jetant un premier regard sur les forêts, les cataractes, et les vallées. Chapitre 57. Tableau de l'Allemagne au moment de la Révolution française. À l'époque de la chute de la royauté en France, l'Allemagne, de même que la Perse d'autrefois, présentait un corps composé de diverses parties réunies sous un chef commun. Bien que Léopold n'eût pas de droit le même pouvoir sur les cercles que Darius sur les satrapies, il l'avait néanmoins de fait. Le même abus prévalait à l'égard de la dignité suprême, l'Empire germanique, quoique électif, pouvant être regardé comme héréditaire. Le système militaire de Joseph II jouissait parmi nous de la même réputation que celui de Cyrus chez les anciens. Ces deux princes firent consister leur principale force en cavalerie, mais le second mettait la sûreté de ses états dans les places fortifiées, le premier crut devoir les détruire. Les anabaptistes, les hernutes, les protestants, les catholiques, se partageaient les opinions religieuses du moderne empire d'Occident, de même que les adorateurs de Mitra, de Jéhovah, de Jupiter, de Brahma, d'Apis, occupaient l'antique puissance orientale. Le régime féodal écrasait le laboureur germanique à peu près de la même manière que l'esclavage persan abattait le sujet du grand roi. Cependant, une différence considérable se fait sentir entre ces hommes malheureux. Elle consiste dans les mœurs. Celles du premier sont justes et pures par la grande raison de son indigence. Il ne faut pas en conclure que l'Allemagne manque de lumière. J'ai trouvé plus d'instruction, de bon sens, chez les hommes de cette contrée que chez toute autre nation européenne, sans en excepter l'Angleterre, où le peuple est plein de préjugés. Une des principales causes qui sert à maintenir la morale parmi les Allemands vient de la vertu de leur clergé. J'en parlerai ailleurs. Chapitre 58. Suite. les arts en Perse et en Allemagne, poésie, Krishna, Klopstock, fragment du poème Mahabharata tiré du sanskrit, fragment du Messie, Sakuntala, et vendre. Les jardins suspendus de Babylone, les vastes palais des rois, décorés de peintures et de statues, attestent le règne des beaux-arts dans l'empire de Cyrus. Ces immenses états, formés de 1000 peuples divers, devaient fournir une mine inépuisable de poésie, différente dans ses coloris selon les mœurs de la nature dont elle réfléchissait les teintes. Efféminée dans l'Ionie, superbe dans la pourpre du Mède, simple et agreste sur les montagnes de la Perse, voluptueuse dans les Indes, elle chantait avec l'arabe, le patriarche, au milieu de ses troupeaux et de sa famille, assis sous le palmier du désert. Je vais faire connaître au lecteur quelques morceaux précieux de littérature orientale. Je les tire du sanskrit, dont j'ai eu déjà occasion de parler plusieurs fois. J'y suis d'ailleurs autorisé puisque l'empire persan s'étendait sur une partie considérable des Indes. Le premier fragment est extrait du Mahabharata, poème épique d'environ 400 000 vers, composé par le brahman Krishna Dhyaupayan Vyas 3000 ans avant notre ère. De ce poème, l'épisode appelé Bhagavat Gita était le seul morceau publié par le traducteur anglais M. Wilkins en 1785. Le sujet de cet ancien monument du génie indien est une guerre civile entre deux branches de la maison royale de Bohat. Les deux armées, rangées en bataille, se disposent à en venir aux mains lorsque le dieu Krishna, qui accompagne Arjuna, l'un des deux rois, comme Minerve Télémaque, invite son élève à faire avancer son char entre les combattants. Arjuna regarde, il n'aperçoit de part et d'autre que des pères, des fils, des frères, des amis, prêts à s'égorger. Saisi de pitié et de douleur, il s'écrie « Ô Krishna, en voyant ainsi mes amis impatients du signal de la bataille, mes membres m'abandonnent, mon teint pâlit, le poil de ma chair se hérisse. Tout mon corps tremble d'horreur. Gandhar, même mon arc échappe à ma main, et ma peau, collée à mes os, se dessèche. Lorsque j'aurai donné la mort à ses chers parents, demanderai-je encore le bonheur? Je n'ambitionne point la victoire, ô Krishna. Qu'ai-je besoin de plaisir ou de puissance? Qu'importe les empires, les joies, la vie même, lorsque ceux-là ne seront plus, ceux-là qui donnaient seuls quelque prix à ces empires, ces joies, cette vie? Père, ancêtre, fils, petit-fils, oncle, neveu, cousin, parents et amis, vous voudriez ma mort, et cependant je ne souhaite pas la vôtre. Non, pas même pour l'empire des trois régions de l'univers, encore bien moins pour cette petite terre. » La simplicité et le pathétique de ce fragment sont d'une beauté vraie. On s'étonne surtout de n'y point trouver cette imagination déréglée, ce luxe de coloris, caractère dominant de la poésie orientale. Tout y est dans le ton d'Homère. Mais après cette apostrophe d'Arjuna, Krishna, pour lui prouver qu'il doit combattre, s'étend sur les devoirs d'un prince, s'engage avec son élève dans une longue controverse théologique et morale. Ici le mauvais goût et le prêtre se décèlent. Nous choisirons pour pendant à l'épique indien l'épique de la Germanie. La muse allemande, nourrie de la méditation des Écritures, a souvent toute la majesté, toute la simple magnificence hébraïque. Et l'on retrouve, dans les froides régions de l'Empire, tout l'enthousiasme et la chaleur du génie des poètes d'Israël. Klopstock, dans son poème immortel, a peint la conjuration de l'enfer contre le Messie. Le sacrifice est prêt à s'accomplir, les prêtres triomphent, et le Fils de l'homme est condamné. Suivi de sa mère, de ses disciples, des gardes romaines et de toute la Judée, il s'avance, chargé de sa croix, au lieu du supplice. Il arrive sur Golgotha, alors Eloa, envoyé par l'Éternel, distribue les anges de la terre autour de la montagne, les uns s'assemblent sur des nuages, les autres planent dans les airs. Gabriel va chercher les âmes des patriarches et les place sur la montagne des Oliviers, pour être témoin du grand sacrifice. Uriel, en même temps, amène toutes celles des races à naître. Le globe immense qu'elles habitaient reçoit l'ordre de voler vers le soleil et d'intercepter sa lumière. Satan et tout l'enfer caché dans la mer morte, sous les ruines de Gomorre, contemplent la rédemption. Les innombrables esprits célestes qui peuplent les étoiles et les soleils, ceux qui environnent Jéhovah, ont l'œil attaché sur le Sauveur, et le Saint des Saints, retiré dans sa profondeur incompréhensible, compte les heures du grand mystère. Alors les bourreaux s'approchent de Jésus. Dans ce moment, tous les mondes, avec un bruit qui retentissait au loin, parvinrent au point de leur course, d'où ils devaient annoncer la réconciliation. Ils s'arrêtent, insensiblement le mouvement d'épaule se ralentit, et cessa tout à coup. Un vaste silence régnait dans toute l'étendue de la création. La marche de tous les globes suspendus annonçait dans les cieux les heures du sacrifice. Les anges interdits étaient attentifs à ce qui allait se passer. Jéhovah jeta un coup d'œil sur la terre, la vit prête à s'abîmer et la retint. Jéhovah, le Dieu Jéhovah, avait ses regards fixés sur Jésus-Christ, et les bourreaux le crucifièrent. À ce spectacle terrible, les anges et les patriarches restaient dans un morne silence. Le calme effrayant qui régnait dans toute la nature était l'image de la mort. On aurait dit qu'elle venait d'en détruire tous les habitants et que rien d'animé n'existait plus dans aucun monde. Bientôt, l'obscurité couvrit la terre où régnait un profond silence, et ce silence morne augmentait avec les ténèbres et l'inquiétude. Les oiseaux, devenus muets, s'envolèrent au fond des forêts. Les animaux cherchèrent un asile dans les cavernes et les fentes des rochers. La nature entière était ensevelie dans un calme sinistre. Les hommes, respirant avec peine un air qui n'avait plus de ressort, levaient les yeux vers le ciel, où ils cherchaient en vain la lumière. L'obscurité augmentait de plus en plus, elle devint universelle et effrayante, lorsque l'astre eut entièrement occupé le disque du soleil. Toutes les plaines de la terre furent enveloppées dans les horreurs d'une nuit épouvantable. Les couleurs de la vie reparurent sur le front du Messie, mais elles s'éteignirent rapidement et ne revinrent plus. Ses joues livides se flétrirent davantage, et sa tête, succombant sous le poids du jugement du monde, se pencha sur sa poitrine. Il fit des efforts pour la relever vers le ciel, mais elle tomba de nouveau. Les nuages suspendus s'étendirent autour du Golgotha d'une manière lente et pleine d'horreur, comme les voûtes funèbres des tombeaux sur les cadavres que la pourriture dévore. Un nuage plus noir que les autres s'arrêta au haut de la croix. Le silence, le calme affreux de la mort semblait distiller de son sein. Les immortels en frissonnèrent. Un bruit inattendu et qui n'avait été précédé d'aucun autre bruit sortit tout à coup des entrailles de la terre. Les ossements des morts en tremblèrent et le temple en fut ébranlé jusqu'au faîte. Cependant, le silence était rétabli sur la terre et les hommes vivants, les morts et ceux qui devaient naître avaient les regards fixés sur le Rédempteur. En proie à toutes les douleurs, Ève regardait son fils qui succombait insensiblement sous une mort lente et pénible. Ses yeux ne s'arrachaient de ce triste spectacle que pour les porter sur une mortelle qui se tenait chancelante au pied de la croix, la tête penchée, le visage pâle et dans un silence semblable au silence de la mort. Ses yeux ne pouvaient verser de larmes, elle était sans mouvement. « Ah !» dit en elle-même la mère du genre humain, « c'est la mère du plus grand des hommes. L'excès de sa douleur ne l'annonce que trop. » Oui, c'est l'auguste Marie. Elle éprouve dans ce moment ce que je sentis moi-même lorsque je vis Abel au pied de l'autel, nageant dans les flots de son sang. Oui, c'est la mère du Sauveur expirant. Elle fut tirée de ses pensées par l'arrivée de deux anges de la mort qui venaient du côté de l'Orient. Ils planaient dans les airs d'un vol mesuré et majestueux et gardaient un profond silence. Leurs vêtements étaient plus sombres que la nuit, leurs yeux plus étincelants que la flamme. Leur air annonçait la destruction. Ils s'avancèrent lentement vers la colline de la croix où le juge suprême les avait envoyés. Les âmes des patriarches, épouvantées, tombèrent sur la poussière de la terre et sentirent l'impression de la mort et les horreurs du tombeau, autant que peuvent les sentir des substances indestructibles. Les deux génies redoutables, parvenus à la croix, contemplant le mourant, prennent leur vol, l'un à droite et l'autre à gauche, et d'un air morne et présageant la mort, ils volent sept fois autour de la croix. Deux ailes couvraient leurs pieds, deux ailes tremblantes couvraient leurs faces, et deux autres les soutenaient dans les airs, dont l'agitation produisait un mugissement semblable aux accents lamentables de la mort. C'est ce bruit qui tonne aux oreilles d'un ami de l'humanité lorsque des milliers de morts et de mourants nagent dans leur sang sur le champ de bataille et qu'ils fuient en détournant les yeux. Les terreurs de Dieu étaient répandues sur les ailes des deux anges et retentissaient vers la terre. Ils volaient, pour la septième fois, lorsque le Sauveur accablé releva sa tête appesantie et vit ses ministres de la mort. Il tourna ses yeux obscurcis vers le ciel et s'écria d'une voix qu'il tira du fond de ses entrailles et qui ne put se faire entendre « Cessez d'effrayer le Fils de l'homme. Je vous reconnais au bruit de vos ailes. Il m'annonce la mort. Cesse, juge des mondes, cesse. » En disant ces mots, son sang sortit à gros bouillons. Alors les anges de la mort tournèrent leur vol brillant vers le ciel et laissèrent les spectateurs dans une surprise muette et des réflexions plus inquiétantes et plus confuses sur ce qui se passait à leurs yeux. Et l'Éternel laissait toujours sur le mystère un voile impénétrable. Les enfers, les cieux, les hommes, les générations écoulées et les générations à naître, les globes arrêtés dans leur révolution, le cours de l'univers suspendu, la nature couverte d'un voile, un dieu expirant, quel tableau! Sa sublimité fera excuser la longueur de la citation. Le second fragment qui me reste à donner du sanskrit est d'un genre totalement opposé au premier. On a découvert parmi les Indiens une foule de pièces de théâtre écrites dans la langue sacrée, régulières dans leur marche et intéressantes dans leur sujet. S'il était possible de douter de la haute civilisation des anciennes Indes, cette particularité seule suffirait pour la prouver, en même temps qu'elle dépouille les Grecs de l'honneur d'avoir été les inventeurs du genre dramatique. La scène indienne non seulement admet le masque et le cothurne, mais elle emprunte encore la houlette. Elle se plaît à représenter les mœurs champêtres et ne craint point de s'abaisser en peignant les tableaux de la nature. Sakuntala, princesse d'une naissance illustre, avait été élevée par un ermite dans un bocage sacré, où les premières années de sa vie s'étaient écoulées au milieu des soins rustiques et de l'innocence pastorale. Prête à quitter sa retraite chérie pour se rendre à la cour d'un grand monarque auquel elle était promise, les compagnes de sa jeunesse déplorent ainsi leur perte et font des vœux pour le bonheur de Sakuntala. Écoutez, ô vous, arbres de cette forêt sacrée, écoutez et pleurez le départ de Sakuntala pour le palais de l'époux. Sakuntala, celle qui ne buvait point l'onde pure avant d'avoir arrosé vos tiges, celle qui, par tendresse pour vous, ne détacha jamais une seule feuille de votre aimable verdure, quoique ses beaux cheveux en demandassent une guirlande, celle qui mettait le plus grand de tous ses plaisirs dans cette saison qui entremêle de fleurs vos rameaux flexibles. Cœur des nymphes des bois, puissent toutes les prospérités accompagner ses pas, puissent des brises légères disperser pour ses délices la poussière odorante des riches fleurs, puissent les lacs d'une eau claire et verdoyante sous les feuilles du lotos la rafraîchir dans sa marche, puissent des branches ombreuses la défendre des rayons brûlants du soleil. Sakuntala, sortant du bois et demandant à Kana l'ermite la permission de dire adieu à la liane, Madhavi, dont les fleurs rouges enflamment le bocage, après avoir baisé la plus radieuse de toutes les fleurs et l'avoir priée de lui rendre ses embrassements avec ses bras amoureux, s'écrie « Ah, qui tire ainsi les plis de ma robe ?» Kana, c'est ton fils adoptif, le petit chevreau dont tu as si souvent humecté la bouche avec l'huile balsamique de l'ingoudi lorsque les pointes du kusa l'avaient déchiré. Lui, que tu as tant de fois nourri dans ta main des graines de Sinmonka, il ne veut pas quitter les pas de sa bienfaitrice. Sakuntala, pourquoi pleures-tu, tendre chevreau? Je suis forcée d'abandonner notre commune demeure. Lorsque tu perdis ta mère, peu de temps après ta naissance, je te pris sous ma garde. Mon père, Kana, veillera sur toi lorsque je ne serai plus ici. Retourne, pauvre chevreau, retourne, il faut nous séparer. Elle pleure. Kana, les larmes, mon enfant, conviennent peu à ta situation. Nous nous reverrons. Rappelle tes forces. Si la grosse larme se montre sous tes belles paupières, que ton courage la retienne lorsqu'elle cherche à s'échapper. Dans notre passage sur cette terre, où la route tantôt plonge dans la vallée, tantôt gravit la montagne, et où le vrai sentier est difficile à distinguer, tes pas doivent être nécessairement inégaux. Mais suis la vertu, elle te montrera le droit chemin. Si ce dialogue n'est pas dans nos mœurs, du moins il respire le calme et la fraîcheur de l'idylle. La dernière leçon de Kana, dans le style de l'apologue oriental, quoique venant inà propos, est pleine d'une aimable philosophie. le Théocrite des Alpes, va nous fournir pour l'Allemagne le parallèle de ce morceau. Pyrrhus, prince de Crissa et Arat, amis de Pyrrhus, ont envoyé par ordre des dieux le premier, son fils Évandre, le second, sa fille Alcimne, afin d'être élevés secrètement chez des bergers. L'amour touche le cœur d'Évandre et d'Alcimne, ils s'aiment sans connaître leur rang illustre. Les princes arrivent, révèlent le secret, les amants s'unissent. L'Évandre de Gessner n'est pas son meilleur ouvrage, mais il est curieux à cause de sa ressemblance avec Sakuntala. Il y a quelque chose qui ouvre un vaste champ de pensée philosophique à trouver l'esprit humain reproduisant les mêmes sujets à 5000 ans d'intervalle d'un bout du globe à l'autre. Lorsque l'auteur de Sakuntala florissait sous le beau ciel de l'Inde, qu'était la barbare Helvétie ? Alcimne a appris sa naissance. Elle est entourée de suivantes qui lui parlent des mœurs de la cour. Elle regrette, comme la princesse indienne, ses bois, ses moutons, sa houlette et surtout ses amours. La deuxième suivante. Permettez-moi de vous dire qu'il faut que vous renonciez aux mœurs de la campagne pour suivre celles de la cour. Une grande dame doit savoir tenir son rang. Nous avons ordre de ne point vous quitter et de vous donner des leçons. Alcimne. J'aime mieux nos mœurs. Elles sont simples, naturelles et s'apprennent toutes seules. Parmi nous, on ne voit personne en donner des leçons. On s'en moquerait comme de quelqu'un qui voudrait apprendre à un oiseau un autre chant que le sien. Mais dites-moi quelque chose de la manière dont on vit à la ville. Je crains fort de ne pas la trouver de mon goût. La deuxième suivante. Le matin, quand vous vous éveillez, ce qui n'est qu'à midi, car les dames du grand monde ne s'éveillent pas à l'heure des artisans. Alcimne, à midi, je n'entendrai donc plus le matin le chant des oiseaux, je ne verrai donc plus le lever du soleil, cela ne m'accommoderait pas. La première suivante, votre beauté ne manquera pas de vous faire beaucoup d'amants, il faudra vous étudier à plaire à tous et ne donner à chacun que peu d'espérance. Alcimne, tous nos seigneurs m'ennuieront en me parlant d'amour, parce que je n'aimerai jamais que celui que j'aime déjà. La deuxième suivante. Quoi ? Vous aimez déjà ? Alcimne. Oui, sans doute. Je ne rougis pas d'en convenir. J'aime un berger de tout mon cœur, et lui il m'aime de tout le sien. Il est beau comme le soleil levant, charmant comme le printemps. Le rossignol ne chante peut-être pas si bien que lui. Oui, mon bien-aimé, tu seras le seul que j'aimerai toujours. Ces arbres verts mourront. Le soleil cessera d'éclairer ces belles prairies avant que ton Alcimne te soit infidèle. Oui, mon bien-aimé, je fais le serment. La deuxième suivante. Ne le faites pas. Votre père ne vous laissera point avilir jusque-là votre illustre naissance. Alcimne avec colère. Que voulez-vous dire, mon illustre naissance ? Et quoi ? Peut-il y en avoir qui ne soit noble et honorable ? Oh, je n'entends rien à toutes vos leçons. Il faut y mettre moins d'esprit et plus de naturel. Non, je ne les comprendrai jamais. Mon père est raisonnable, j'en suis sûr. Il ne voudra pas que j'abandonne ce que j'aime le mieux au monde et que j'aime ce que je hais le plus. Je ne vous quitterai qu'à regret, charmante retraite, ombrage frais, occupations innocentes. Je vous préférerai toujours au fracas de la ville. Mais il faut que je vous quitte pour suivre un père que je chéris. Il ne sera pas venu me chercher ici pour me rendre malheureuse. Oui, je serai malheureuse, plus que je ne puis dire, s'il voulait me séparer de celui que j'aime plus que moi-même. Oh, ne me donnez pas ces inquiétudes, mes amis. N'est-il pas vrai que j'aurais tort de les avoir ? Fin de la section 6.